Chante France. Chante France. Les plus belles chansons françaises. Une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme, qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme, Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. manuscrite, comme dans les abbayes, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. De la poste, d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche, l'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. Un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veut bien qu'il me nomme papa s'il le veut. Plus belle chanson française. Plus des airs, dernière cigarette, plus Écoutez Chant de France dans toute la France en DAB+. Retrouvez sur les postes de radio compatibles et dans votre voiture la fonction DAB+. Vous avez une voiture neuve achetée après janvier 2021? Vérifiez les menus de votre autoradio pour écouter les plus belles chansons françaises avec un son de meilleure qualité avec la fonction DAB+. Parlez-en autour de vous. Chant de France et les plus belles chansons françaises disponibles maintenant et partout en DAB+. Leclerc, bonjour. Bonjour, merci pour votre promo sur les spaghettoni Barilla. Alors voici mon astuce pour les doser. Oui, dites-nous. Eh bien, c'est simple, une poignée par personne, et ensuite, on ajoute le reste du paquet. Super astuce. À tester avec le paquet de 500 grammes de spaghettoni Albronzo Barilla à -34%, soit 1,28€ du 11 au 22 mars pendant les super pouvoirs d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 2,56€ le kilo. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Chante France, chante France. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère, la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi.

voir cet homme ce soir qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance. Il tourne sur un monde solitaire. Approche un autre ciel. On se souviendra de ceux qui commettent un crime. Un jour, de tous ces chasseurs de primes. Et puis, d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. Sans l'espoir d'apprendre leur apprendre à ne pas compter les heures qui s'enroulent et qui meurent, que leur vie vienne sur terre juste pour y répandre un peu d'amour et quelques cendres. On se souvient. J'ai poussé comme on respire sans arrêt. temps passé me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne et tant de place pour toi. Oh, oh, oh Laura, petit rien du tout m'étant pour moi. Tous ces conseils. Plus belle chanson française. Avec Vita, un dimanche avec toi. Avec toi.

l'intégralité de 30 minutes sans interruption des plus belles chansons françaises seulement sur Chant de France. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. En apesanteur, pourvu que les secondes soient des heures. En apesanteur, pourvu qu'on soit les seuls. Cet ascenseur, elle arrange ses cheveux. J'ai le cœur juste au bord des yeux. Et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Sur Chante France, les plus belles chansons françaises. Chante France. C'est dur de se séparer au troisième coup de sifflet. On sent la déception de la défaite. C'est si facile de se prendre la tête. C'est sûr que la team doit s'organiser. Devenir une famille sans y habiter. Papa, maman vont devenir amis. Ça veut pas dire que tout est fini. On va garder le maillot de parents. Ça fait 6 ans qu'ils nous font rêver. On a quand même eu du talent. Regarde un peu ce qu'on a créé. Chacun sa vie, chacun sa voix, chacun ses raisons. Chacun chez soi, chacun ses nuits, chacun ses jours, chacun sa maison. Chacun de son côté, chacun sa liberté, chacun son tempo. Chacun sa solitude, chacun sa lassitude, chacun son renouveau. Adieu. Passé, n'en parlons plus. Allez, adieu. On fait de nous deux des parents. On est quitte. Un enfant, deux enfants. Adieu. On se dit adieu. Deux amoureux vaincus. Du passé, n'en parlons plus. Allez, adieu. On fait de nous deux des parents. On est quitte. Un enfant. Chante France. Chante France. La radio des plus beaux classiques de la chanson française. Écoutez. Monday. je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si il n'y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Je vis d'amour et de risque, quand ça va pas, je tourne le disque, je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si il n'y avait rien à dire, j'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Weekend. Chantez les plus belles chansons françaises avec Chant de France. De sourire dehors à Angoulême, un chasse-plein Melchior, Paris, Seychelles, découvrir ton corps. Depuis la scène du sombre décor, Lucrèce et Rennes, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas, le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore. Fleur de sel, attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage est de l'or pour se perdre. I need your soul, I won't let you go. I need your soul, I won't let you go. I need your soul. Se taire le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts sur scintilleur. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas, le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas. On s'était dit des choses.

faites-en plein cœur de 30 minutes. Sans interruption. Des plus belles chansons françaises. Sur Chant de France. Briller comme une étoile filante. C'est l'aventure qu'il est temps. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard. Vivre plus vite que les autres. Avoir un pied dans le futur. Vivre les rêves qui sont les nôtres. Et obéir à sa nature. Puisque rien ne dure vraiment. Et les princes des villes n'ont pas besoin d'armure. Dans les grandes voitures, les rêves sont faciles. Et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vraiment sûr. Et l'avenir fragile pour les princes des villes. Des idées bizarres vibrent au rythme des guitares. Des rock and roll stars. je le ressens. Y a pas d'amour au hasard, ni de rencontre trop tard. Mais sois patient. Quand je me donne, c'est vraiment. J'attendrai que tu m'attends. Tu auras le temps de prendre ce que tu veux prendre. Tu auras le temps de nous faire avancer ensemble. Tant de chances cherchent, ce désir se suit et se perd. Donnons-nous la peine de se découvrir, se connaître. Je ne laisserai pas l'amour au hasard, ni qu'il son premier. France Weekend. Chantez les plus belles chansons françaises avec Chant de France. Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton seau, le jour et la nuit, c'est de l'or. Entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. Porte l'eau, porte la vie, tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or. Entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprenne. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, son navire, son navire, son navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire, sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler, sans la peur de gâcher la photo. Si seulement oh, oh, j'avais su te le dire vraiment. Si seulement oh, oh, j'avais su te le dire avant. De nos années, j'ai gardé ton sourire, ton sourire, ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire, dans le pire, dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années, j'ai gardé ton sourire, ton sourire. WhatsApp de Chant de France. Dès maintenant, envoyez tous vos messages sur le numéro WhatsApp de Chant de France. Un message à faire passer à l'antenne. Une chanson à écouter. Envoyez votre message vocal sur le WhatsApp de Chant de France. Au 07 45 03 18 18. 07 45 03 18 18. Envoyez tous vos messages sur le WhatsApp de Chant de France. Okay. Vous écoutez 30 minutes des plus belles chansons françaises. Sans interruption sur Chant de France. Morceau de bébé. France. Chant de France. Les plus belles chansons françaises. Avec Les Enfoirés, Le Monde Demain. On a passé du temps à chercher dans nos vies un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris. Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges. C'est ce qu'on nous a dit. Mais est-ce qu'on a réussi? On s'est déjà tous égarés sur le chemin. J'ai besoin de quelqu'un qui nous tende la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut nous briser. Si on avance ensemble, il fallait qu'on se rassemble. Et on aura encore des doutes, ils font partie de nous. On a tous pris des coups, mais on tient debout. On construira le monde demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore. On construira le monde demain. À nous d'échanger des corps. Sans peur, on est bien plus fort, plus fort. On fera tout ce qu'on peut pour qu'on n'ait plus le droit de naître dans un monde. Il faudra qu'on soit des milliers à ne jamais oublier que le chemin est long avant de faire pour de bon. On nous dira tellement de fois que l'on est fou d'y croire. Mais si l'on n'y croit pas, dis-moi qui le fera. On construira le monde demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on sait. Faut détruire les barrières. Et qu'est-ce qu'on sera fiers? Et on construira, nous, le monde de demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira. Chantez même le week-end avec Chant de France. Les plus belles chansons françaises. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin. Oh, qui croient que mon argent endort ma tête. Je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Ils croient peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il? Écoutez les plus beaux classiques de la chanson française uniquement sur Chant de France. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Chanson française. On a le droit, quand personne nous voit, de pleurer en silence. De regretter son enfance, de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On a le droit, quand personne nous croit, de sortir sa violence. Tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense, de parler à Dieu, de parler à qui on veut. On a tous le droit. On a tous raison de se poser des questions. on a le droit, quand rien, plus rien ne va, de chercher son étoile, de jeter l'encre de son journal, de changer sa vie, de quitter l'ennui. Et puis on a le droit, et qui nous en empêchera de rêver d'un monde un peu moins laid, de rêver d'un monde où on pourrait rien qu'une fois, tous vous et moi, avoir tous le droit d'aimer sa vie ou pas, son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. Salut, c'est Mickaël Dorian, réveillez-vous dès 5h dans les matins Chants de France. Le réveil qui fait chanter. Pour accompagner votre petit déjeuner, écoutez les plus belles chansons françaises. La Minute Info, votre météo, l'actu musique et l'horoscope de Marie Letty. Tous les matins, jouez au mot magique à 8h10 pour gagner plein de cadeaux. Les matins Chants de France, le réveil qui fait chanter. C'est dit. ne suis riche que de mes amis. C'est dire. Chant de France, les plus belles chansons françaises. Avec Lynn, je pense à vous. Je m'y attendais pas, au grand départ. Fermer la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix. L'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je ne dirai pas. Et quand j'y pense, danse ma poitrine. Pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête. Et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres, Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves en sont de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, il faut pas à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête. Et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense. Même à des kilomètres, je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, je pense à vous plus fort. Vous êtes au cœur de 30 minutes de musique sans interruption sur Chant de France. Les plus belles chansons françaises. Aux soupirs des bandes au néon. Florent Pagny sur Chante France, les plus belles chansons françaises. Chante France. Chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter. Pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps pour implorer le ciel ensemble en une seule et même église, retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent. En haut des barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades. Chanter sans s'arrêter et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre. Chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Pour quelqu'un qui s'en va. Celui qui vient au monde l'aimer, ne lui apprendre que l'amour en ne formant qu'une même ronde. Chanter encore et toujours. Un nouveau jour vient d'éclore, pouvoir encore s'en émerveiller. Chanter malgré tout, toujours plus fort. Je ne sais faire que chanter. Les pas de voix nous volaient de mes frères. France Weekend. Chantez les plus belles chansons françaises avec Chant de France. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Et je regarde ceux qui

monde derrière le monde, peut-être existe-t-il, immobile. Il y a un monde ailleurs. Et notre mémoire. Les classiques de la chanson française, vous les écoutez sur Chant de France. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, c'est très bien, et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais. Tu sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Thank you. voix sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'elle en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Chantez les plus belles chansons françaises sur Chante France. We'll be right back. chanson française. fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.